Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Mange ton écran. Et oui, aujourd'hui, il y a une petite musique d'intro pour Mange ton écran. J'ai dû chercher. Ça a mis un peu de temps, mais on verra si on garde celle-ci ou si on en met une autre. On verra bien. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est une toute nouvelle version de Mange ton écran qui devrait évoluer ensuite, mais on aura besoin de votre avis. Ça sera très court. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Pichoun. Bonjour à tous. Alors, si vous l'entendez un petit peu de loin, c'est parce qu'en fait, elle est à côté de moi, mais qu'on est agencé d'une manière où c'est un peu compliqué tout ça. Ça devrait s'améliorer dans les prochaines émissions, de toute manière, sachant que la prochaine fois, j'espère bien qu'on aura d'autres membres de Paddy Powo. Là, c'est vraiment parce qu'on voulait tenter quelque chose pour le Mange ton écran. Donc, dans ce premier numéro, nous allons parler de Castlevania, la série Netflix. Et seulement de celle-ci, donc c'est pour ça que je dis que ça sera une émission assez courte. Est-ce qu'il faut regarder, est-ce qu'il ne faut pas? Je pense qu'à la fin de cette émission, vous le saurez. Alors Castlevania, donc comme je vous l'ai dit, c'est sur Netflix. J'ai oublié la date exacte de sortie, hein, forcément. Le rien du tout, j'ai juste l'année, 2017, bravo. C'était la semaine dernière, de toute manière. La semaine dernière, le vendredi oui, ou le jeudi. Temps. J'ai pas bien fait mes devoirs, c'est que en fait je pensais que sur Sens Critique il y aurait écrit, et ça l'est pas, donc je me retrouve un peu comme un caca là, à ce niveau-là. Ben voilà, je vais vous le trouver tout de suite, hop, ben non, oubliez juste l'année à chaque fois, bon ben tant pis, voilà, c'est comme ça, tant pis, tant pis. Le 7 juillet, voilà, c'était bien le vendredi de la semaine dernière, nickel. Alors, vous me direz d'ailleurs hein, si ça vous plaît même visuellement sur la vidéo YouTube. Pour ceux qui écoutent en podcast, ne vous en faites pas, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste un habillage pour que ça soit plus agréable pour ceux qui regardent. Ce sont des images qui vont tourner aléatoirement et au bout d'un moment, ça tournera un peu en boucle. Mais ça permet de visualiser un peu la série dont on parlera, ou les séries dont on parlera dans les prochaines. Dans l'occurrence, là, c'est juste Castlevania. Donc, une série de Netflix qui est sortie le 7 juillet. Beaucoup de gens l'appréhendaient, cette série, parce qu'il y avait les fans de Castlevania qui disaient « De toute façon, les adaptations, c'est tout le temps de la merde. » Il y a les pas fans de Castlevania qui se disaient « De toute façon, moi j'aime pas Castlevania, je vois pas pourquoi j'aimerais la série. » Je vais baisser un peu le gain quand même, parce que mine de rien, c'est peut-être un peu violent. Dites-moi si nos voix sont pas trop mal, hein. À ce niveau-là. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, oui, on avait fait quelques tests sur le chat, donc du coup, vous avez la trace. On a refait aussi le setup, hein. Bref. Vous nous direz tout ça. Donc, je m'égare. Alors, Castlevania, qu'est-ce que ça raconte? Je parle encore une fois de la série. Hein. Là, je ne parle pas du jeu. Je parle de la série. Même s'ils sont liés, ce n'est pas exactement la même histoire. Déjà, le premier épisode. On va pas vraiment spoiler, mais ça va être compliqué de ne rien révéler du tout. On va tenter le moins possible de spoiler de choses. Mais en même temps, c'est... Pour le premier épisode, ça risque d'être un peu compliqué. Pour les autres, on peut largement vous éviter des drames. qu'est-ce qui se passe dans le premier épisode? Eh bien déjà, c'est vraiment une introduction. On se sent un peu dans un diesel, ça démarre lentement. Hein. Le premier épisode, c'est peut-être le... Moi, je l'ai adoré. Mais pour quelqu'un qui attend de l'action à la Castlevania avec des combats ou des trucs comme ça, ça passe moyen. C'est vraiment l'intro, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi Dracula est méchant. Parce que finalement, dans cette série... ils ont réussi à faire que Dracula, de rendre Dracula assez humain. On voit simplement une femme arriver au château, donc là c'est pas vraiment du spoil, c'est vraiment le début, qui s'attache à Dracula, et Dracula qui s'attache à cette femme, et ils finiront mariés femme, voilà. Sachant que cette femme était une humaine. Elle était une femme de science, lui est un homme de science, un vampire de science, et elle a essayé de le rendre plus humain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette femme va mourir. Et donc Dracula veut se venger. Et donc il est méchant à cause de ça. Et donc il va plus ou moins lancer une malédiction sur tout le royaume où l'histoire. Avec le château, parce que le château est ambulant, hein, un peu à la manière des jeux vidéo, justement. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au château du jeu vidéo, d'ailleurs. C'est un château un peu comme... comment il s'appelle le château dans le Miyazaki, là? Le château, c'est lequel avec des jambes, là, le château ambulant. Ça doit être ça. Ouais, chose comme ça. Dans tous les cas, ça m'a fait penser à ça. Et donc Dracula est méchant, mais d'une manière très humaine. On le voit même pleurer. C'est vachement bien foutu. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de ce premier épisode, parce qu'on voit vraiment que ça. Hein. C'est l'attachement de Dracula, la mort de sa femme, la vengeance. C'est vraiment que ça, le premier épisode. Le lancement de la vengeance, hein, c'est même pas la vengeance en elle-même, quoi. Le premier épisode est sympa. Ça, disons que j'ai quand même, en regardant le premier épisode, j'ai quand même voulu pousser au deuxième épisode. Donc, il n'était pas si nul que ça, puisqu'il m'a donné envie de regarder le deuxième épisode. C'est le mot d'intro. Voilà. Après, Après, on va continuer. voilà. Ensuite, par la suite, on va découvrir la famille Belmont, enfin, en l'occurrence, le dernier membre de la famille Belmont, qui est tout simplement, pour ceux qui connaissent Castlevania, hein, franchement, il n'y a pas de secret, c'est pas du spoil, c'est un chasseur de démons, de vampires, de tout ça, quoi. Et ils ont été bannis de l'église. Cette famille a été bannie de l'église, mais dans tous les cas, ils sont chasseurs de démons. Et donc là, c'est le dernier. Et la famille Belmont, d'ailleurs, est attachée aux prêcheurs, qui sont plus ou moins aussi des chasseurs de démons, d'ailleurs, mais pas. Enfin, on va dire des religieux, mais qui font pas partie de l'église, on va dire ça plutôt comme ça. Qui ont leur propre religion. Dans tous les cas, donc on va suivre ce Belmont, j'ai oublié son prénom. Victor? Trevor. Trevor, voilà, c'est ça, Trevor Belmont. C'est ça, hein? Oui, Ouais. Trevor. Trevor Belmont. Qui est un personnage qui, ma foi, j'ai trouvé très attachant, même si dans le. Parce que du coup, on le voit à la toute fin du premier épisode, sans savoir si c'est vraiment un Belmont, même si on le devine. Et donc au début du deuxième. On va dire qu'à ce moment-là, il a l'air un peu con-con. Con-con, quoi. Un peu saoul. Mais c'est un peu pour faire du lèche-cul à ceux qui adorent les animes, en fait. C'était pour montrer, regardez, notre héros aussi, il peut être débile. Il n'est pas débile tout le temps, hein. C'était juste pour montrer que c'était un manga. Voilà. Sachant que c'est un anime, mais un anime fait par des. C'est un anglais, si je dis pas de conneries. Warren Ellis. Nationalité américaine. Bon, en tout cas, globalement, c'est une production américaine, même si lui doit être anglais. Pour faire manga, ils se sont dit, oh, allez, on va mettre un héros un peu con-con. Encore une fois, il ne l'est pas du tout. Mais à ce début-là, à son introduction, il l'est un petit peu quand même. Le coup de pied dans les couilles. Oui, Je ne dis pas pourquoi, comment et tout ça, mais même voilà. si moi je trouve qu'il est un petit peu con-con, À tout le temps, toi. toute la... D'accord, Bob. Ouais. Alors que moi, pas du tout. Moi, je trouve qu'après, ça va beaucoup mieux quand même. Je trouve que ça va en s'améliorant. Après, t'as pas vu le dernier épisode aussi. Hop là, j'ai touché la clé Wi-Fi, j'espère que ça n'a pas posé de soucis. Donc, bref, moi, je trouve qu'on s'attache quand même à ce personnage. J'ai vu les 4 épisodes et on s'attache à ce personnage, on s'attache au personnage qu'il va rencontrer sur son aventure. On déteste, mais même moi qui d'habitude m'accroche aux méchants, on déteste mais vraiment méchamment le grand méchant de l'histoire. Quoi, qui c'est le grand méchant? Faut pas le dire, hein, faut pas le dire parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais pas Dracula. Bah, je vois pas alors. Oh putain, sérieux? Ben si. Ah Ah oui. oui, ben voilà, t'as compris, c'est bon? Ah oui, mais moi c'est que j'ai vu que le troisième épisode. Voilà, elle a pas vu le quatrième, forcément, elle est un peu à côté de la plaque à ce niveau-là. Mais finalement, on se rend compte que le grand méchant, c'est. Bon, c'est Dracula. Mais peut-être pas. Finalement, c'est peut-être pas le pire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a des associations chrétiennes qui ont dit que cette série était peut-être anti-église. Anti-catholique. Et du coup, ils ont râlé en disant oh, c'est pas possible, c'est anti-catholique, les catholiques, les méchants. Alors que non, hein, il y a des choses qui montrent que l'église n'est pas si ennemie que ça. C'est un personnage qui est très méchant, qui fait peut-être partie de l'église. On le remarque dès le premier épisode, encore une fois, c'est pas du spoil en soi. Hein. De toute façon, de toute manière, c'est très compliqué de. Mais c'est pas ça le fond de la série, vous en faites pas, c'est pas du spoil de dire ça. Hein. Bah en fait, finalement, dans cette première saison, à force de dire ça, c'est pas du spoil, c'est pas du spoil. J'ai presque envie de dire, cette première saison, ben en fait, il se passe pas grand-chose. Parce qu'en fait, à la fin du dernier épisode, on se dit juste, ah, ben c'est la fin de l'épisode. Enfin, comment dire? En fait, de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 4, on a l'impression d'avoir vu un long métrage animé, en fait. Ça fait plus long métrage que série. On a l'impression que c'est un long métrage qui serait en fait un pilote d'une série Castlevania. Je trouve que si on regarde que le premier épisode, ou que le premier et le deuxième, ou que le premier, le deuxième et le troisième, ben on n'a rien vu finalement. Vraiment, je trouve que Parce que dans les trois premiers épisodes, finalement, le premier, il se passe pas grand-chose, c'est vraiment l'introduction, c'est le prologue, quoi. Le deuxième épisode, c'est la présentation des personnages principaux, du personnage principal. Le troisième épisode, c'est la présentation des amis qui vont suivre pendant de longs... Je suis sûr, pendant les prochains épisodes, c'est la présentation de celui qui va accompagner le personnage principal. Et dans le dernier épisode, c'est un peu le combat qui se passe à chaque fin d'épisode d'un anime, quoi. Voilà. Et du coup, on... C'est finalement, on a un grand long métrage qui a été découpé en quatre. Le problème de l'avoir découpé en quatre, c'est qu'il y en a qui vont s'arrêter au premier ou au deuxième ou au troisième épisode en se disant il y a un souci, quoi, il y a quelque chose qui cloche. Parce que y a... Non, mais c'est vrai, il y a un problème de rythme. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que t'as pas trop accroché, Pichoun. En partie, oui. Après, il y a aussi le côté un peu gore. Faut savoir qu'il y a du sang, il y a de l'hémoglobine, Oui, il y a là, un œil qui sort de. c'est pas du tout pour les enfants. Là, c'est un peu trop violent. Ah là, il y a des corps qui Certains. sont arrachés. Hein, Ouais. il y a vraiment du gore, mais c'est génial. Hein. Enfin, c'est pas le gore qui est génial, mais je veux dire la série. Quoi. Moi, je l'ai trouvé génial. Moi, j'ai beaucoup aimé la série. Après, le côté gothique était super intéressant. Vous voyez sur les captures d'écran qu'il y a beaucoup de. C'est un peu rougeâtre. Il y a un filtre rouge un peu. Enfin, c'est pas un filtre rouge parce que je trouve que les effets de lumière sont plutôt réussis. C'est vraiment basé sur le rouge, je pense, du côté ça, du sang, du feu et tout ça. Et c'est plutôt cool. Là, vous voyez Dracula, hein, d'une certaine manière. Moi, ça me dérange un peu, Oui. cet effet. Dracula, c'est un vampire, mais un vampire qui a des pouvoirs un peu énormes, et Pichoun a un peu de mal. Alors que Ouais, non, moi, ça passe pas. moi, je me dis, non, ben voilà, c'est le plus puissant des vampires, mais c'est plus un démon qu'un vampire dans l'univers Castlevania. Et dans le jeu Castlevania, il a plusieurs formes, Dracula, quand le combat en tant que boss. Alors il pouvait pas se permettre de faire un vampire classique, quoi. Oui, bah après, moi, j'ai pas. Je connaissais pas le jeu, donc du coup, je suis partie de rien. Ouais, mais si on Donc, se dit que c'est mais juste un démon pour. très puissant. Ouais, mais moi j'accroche pas, moi il faut un vampire tout court ou je sais pas, j'accroche pas. D'accord. Sinon, en dehors de ça, alors moi je l'ai vu en VF, et là j'ai trouvé la VF très très bonne. Hein. Est-ce que tu l'as eu le souci, toi? Tu vas me dire. Mais c'est peut-être dans l'épisode 4, je suis pas sûr. Mais en même temps, si tu t'endormais à moitié à la fin, peut-être que tu as eu un peu de mal. Faut savoir qu'il y a des petits soucis quand même. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup aimé, mais il y a des petits soucis. Alors d'animation, on voit que c'était un test, cette première saison de 4 épisodes. Donc on voit qu'il y a certaines choses qu'ils ont fait un peu rapidement. Mais je suis presque sûr que dans la deuxième saison, ça sera réglé au niveau des animations. Il y a certains moments, les dessins sont un peu bizarres. Ça se voit. Il y a des moments à la va-vite. Pas aussi horrible que dans Dragon Ball Super, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas si dégueulasse que ça. Enfin, il y a des moments dégueulasses, mais c'est assez court pour que ça aille, quoi. C'est pas sur les décors, c'est vraiment sur les personnages. Parce que les décors, par contre, ils sont sublimes, hein. Tout Et ce qui ben, est. les dé enfin, c'est ça que j'aime pas, c'est je trouve qu'il y a un contraste entre les décors et les personnages, et j'ai l'impression que les personnages, ils vont pas dans le décor. Enfin, c'est bizarre, mais je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais moi, le décor, et les personnages qui sont dans le décor, ça va pas. Pour moi, ça. Ça fait un peu effet jeu Final Fantasy sur PS1, c'est-à-dire que les décors sont sublimes et les personnages parfois sont moins beaux, quoi. Voilà. Ok, oui, c'est Et ça. je trouve que ça colle pas, quoi. C'est vrai que par moments c'est bizarre, mais moi j'ai pas été choqué Donc par je ça. décroche, je me dis ça va pas, il y a quelque chose qui. Après, je disais que je l'ai vu en VF. Faut savoir que les voix sont très bien choisies, je trouve. Mais il y a un souci qui apparemment est le même en VO. Hein. J'ai vu les critiques anglaises, c'est la même chose. Il y a par moments, les lèvres bougent pas et ça parle par-dessus. Ah oui, ça je m'en suis aperçue dans l'épisode 3. Ouais, et il y a un moment aussi où il y a un personnage qui parle, mais avec la voix de l'autre personnage. Je crois que ça aussi, ça doit être dans l'épisode 3, ça Oui, aussi. c'est-à-dire que, en fait, la voix correspond au dialogue, mais pas à la personne qui bougeait les lèvres, en fait. Et apparemment, c'est la même chose en VO. Donc la VO, c'est pas du Jap, hein, c'est de l'anglais, hein, parce que c'est un anime américain qui veut être un anime du style japonais, mais c'est un anime américain, hein, faut le savoir. Donc voilà, j'ai dit les deux défauts. Hein. Parfois les animations sont bof, les dessins sont bof, mais moi je mets ça ensemble. Parce que généralement c'est lié aux animations bof, les dessins bof. Et le doublage qui est globalement très bon, sauf dans l'épisode 3, où il y a plein de moments où c'est bizarre. Mais c'est vraiment que dans l'épisode 3, hein. Pourquoi? Mais je pense qu'au moment où ils ont fait l'animation, ils avaient pensé à des dialogues, et à tous les coups ils ont changé le scénario, les dialogues en eux-mêmes, ils les ont changés. en cours de route, et ils pouvaient pas refaire l'animation pour ça. Ils se sont dit, bah tant pis. Donc c'est vrai que c'était un peu triste à ce niveau-là. Bon, vraiment, le moment où ça choque le plus, c'est juste une fois, hein, vraiment. C'est le moment où ils mettent pas... où c'est un autre qui bouge les lèvres par rapport... Là, c'est vraiment bizarre. Mais, non, franchement, moi je trouve que c'est une très très bonne série, qui aurait dû être un long métrage. Je pense que ça aurait dû être un épisode pilote d'1h30, parce que c'est 4 épisodes de 25 minutes, hein. Ça aurait dû être un long métrage d'1h30 pour dire, voilà, ça va être votre série Castlevania, on vous fait l'introduction comme ça. Parce que la deuxième saison est déjà programmée, il y aura 8 épisodes. Il faut espérer que les épisodes aient un vrai début, une vraie fin à chaque fois. Ouais, un meilleur rythme. Ouais, un rythme mieux, plus adapté à un anime, quoi, parce que... Enfin, c'est pas grave s'il n'y a pas la fin de l'histoire à Oui, la mais fin d'un là, on reste épisode, sur mais... notre fin à chaque épisode. Enfin, bah, je trouve ça un peu lent. C'est vrai, c'était un peu lent. Mais j'ai pas été... Enfin, voilà, c'est le problème, c'est ça. C'est vraiment, on a eu... Le premier épisode, c'est le prologue. Le deuxième épisode, c'est la présentation du personnage principal. Je sais, je me répète, mais vraiment, c'est ça, quoi. Le troisième, c'est la présentation des personnages secondaires, mais enfin, des autres personnages principaux, on va dire. Et le dernier épisode, c'est le combat final de l'épisode, quoi. Voilà. Et ensuite, on est tous potes, on est tous copains, voilà. J'exagère. Voilà. Mais ça a une structure d'anime classique, mais sur plusieurs épisodes, alors que ça aurait dû être sur un seul pour une introduction, quoi. J'aimerais qu'on se centre un peu plus sur Dracula. C'est vrai que moi, je trouve le personnage de Dracula très intéressant. En fait, ils auraient fait toute la série que sur le personnage de Dracula, ça m'aurait pas choqué. Ouais, mais surtout qu'on le voit finalement qu'au premier épisode et... Mais ça aurait été génial, je trouve. Ils auraient dû faire Et il quelque est pas chose, hein. très utile, quoi. Ouais, ils auraient vraiment dû faire quelque chose, parce qu'en fait, Bon, c'est pas un spoil, c'est vraiment au tout début, mais on sait, on apprend que Dracula a voyagé. Et je trouve qu'un anime avec un voyage de Dracula, ça aurait pu être intéressant de savoir comment il avait vécu ses voyages, quoi. Moi, je pense que ça aurait pu le faire. Mais bon, en dehors de ça, vraiment, très très très bonne série à mon goût. Enfin, moi qui adore tout ce qui est gothique, vampire, un peu glauque, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc ça m'a permis d'accrocher. Les personnages, je les trouve vraiment cool. Même la femme, la fille dont j'ai oublié le prénom, mais on la voit sur cette image justement à gauche. Qui est prêcheuse. Ouais, c'est une prêcheuse, mais voilà, j'en dis pas beaucoup plus parce qu'il se passe des choses qui font que ce personnage est juste génial. Des lignes de dialogue, c'est par moments on pourrait se dire que c'est un petit peu forcé, hein, pour que ça fasse un anime japonais et que ça nous fasse un peu rigoler, alors que ça nous esquisse un sourire, mais c'est pas non plus hilarant. Mais j'aime beaucoup quand même. Franchement, moi j'ai beaucoup accroché. Je l'ai noté sur Sens Critique, j'ai mis 7 sur 10. J'avais envie de mettre 8, mais c'est vrai que les quelques soucis d'animation et de doublage, j'ai fini par mettre 7, à cause de ça. Et le fait que ça aurait dû être un long métrage et pas une série. Mais franchement, il méritait, en étant subjectif, il mériterait 8 ou 9. Mais objectivement, c'est un 7. Pas moins, par contre. Même si toi, Pichoun, tu noterais combien, toi? Je suis mitigée, je mettrais peut-être 6. Ouais, t'es pas non plus en mode c'est pourri quoi. C'est ça te plaît pas, mais c'est pas nul. Disons que ça part d'une bonne idée de base, mais moi ça rentre pas dans mon univers et il y a des choses qui vont pas, quoi. Quand je vois déjà le décor puis les personnages, le personnage de Dracula, n'en parlons pas, j'accroche pas. Le mec qui fait, il peut tout, il a tous les pouvoirs possibles, enfin, je trouve ça un peu trop. Et puis les épisodes sont trop lents, quoi. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que c'est mal dosé, je dirais. Enfin, moi, je trouve que c'est mal dosé. Il y a trop de gore, trop de violence. Mais c'est lent. Alors, Trop de gore, trop de violence, mais c'est lent. D'ailleurs, c'est pas logique, mais c'est vrai. Hein. mais non, mais c'est ça, c'est lent. Trop de gore, non. Moi, je dirais pas ça. Moi, il Si, y en quand même. a. Mais quand il y en a, c'est gore. Mais il Mais n'y en a pas tant c'est que surtout que ça. c'est pas mon style. Je trouve que c'est un anime trop sombre à mon Ah, bah, quand goût. il y a des monstres, ils butent les gens, tu les vois les boyaux et tout. Oui, non mais j'accroche pas. Malheureusement, j'ai le premier épisode m'a donné envie de voir le deuxième. Après j'ai poussé au troisième et encore j'ai eu du mal, mais là le troisième j'ai pas pu pousser plus. Malheureusement, je suis pas sûre de poursuivre par la suite, voilà. Alors qu'il lui reste plus qu'un épisode, hein, Ça mais... m'attire pas plus que ça, j'arrive pas à accrocher. Il faudrait qu'il pousse plus. Mais tu t'es forcé pour le troisième déjà. Oui. Donc c'est vrai que voilà. Bah, c'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, j'aime tellement le personnage de Belmont, quoi. Franchement, Fenot, toi, te connaissant, je pense que tu pourrais aimer. Mais il faudrait t'accrocher quand même, parce que c'est vrai que c'est un rythme assez lent pour un système d'épisodes. Pour un long métrage, je pense qu'on pourrait mieux lui pardonner, et t'aurais peut-être pu regarder jusqu'à la fin, du coup, Pichu. Ouais, est-ce qu'en 25 minutes, déjà que c'est court, 25 minutes. Alors si en 25 minutes il se passe pas grand-chose. Dans le premier, quand même, c'est intéressant. Non, c'est pour ça que ça m'a poussé À regarder le à deuxième. regarder le deuxième. Mais après, non. Bah, le deuxième, il sert un peu à rien, l'épisode, en fait. Mais c'est vrai, Ouais. le deuxième, il sert presque à rien, l'épisode. Le deuxième et le troisième auraient dû être un seul Alors en fait, épisode, je me dis limite. que la première saison, c'est juste. Bah oui, ça aurait dû être un pilote. Voilà. Donc non. Moi, je suis pas d'accord, une série, ça doit commencer. Encore, je peux passer le premier épisode d'une série, c'est le pilote, on va dire. Ça te présente les personnages, tout ça, mais pas une saison entière. Enfin, surtout que la saison est très courte, donc pour moi, ils auraient dû démarrer sur les chapeaux de roue. Après, c'est mon avis. Non, mais t'as pas complètement tort, c'est ce que je disais. La série est quand même très bonne, mais c'est vrai qu'ils auraient dû en faire un long métrage pour que des gens un peu plus mitigés ne se retrouvent pas à dire ah ben non, j'ai plus envie de continuer, quoi. Parce que je suis sûr que Pichu n'a regardé le quatrième, a dit que le quatrième est cool. Mais vraiment, je le pense vraiment. Faudrait que tu essayes de le regarder un moment. À voir, à voir, à Et voir. si elle le regarde? J'attendrai peut-être que la saison 2 arrive Et et t'enchaînerais? voilà, parce que Pour pas être sinon, frustré si jamais ça te plaît justement au quatrième. ouais. Mais ouais, c'est vrai. Bah, si jamais elle regarde le quatrième, à vous dira ça sur Twitter. Ouais. Et c'est vrai que là, je pense qu'on va beaucoup développer ce genre de choses sur Sens Critique aussi, hein, en vrai. Hein. Quand on parlera d'une série sur Mange ton écran, on fera une critique sur Sens Critique. Pas sur Paddy Pogo, parce qu'on en parle dans Mange ton écran. Mais je pense que ça peut être intéressant de mettre sur Sens Critique. Comme ça, vous nous suivez sur Sens Critique. Qui est un super site en vrai, mieux que ce que je pensais. Je vous le conseille. Et puis voilà. Donc en tout cas, on vous a parlé. Donc aujourd'hui, c'était Castlevania, écrit par, enfin, géré, on va dire, par Warren Ellis. Un film d'animation, enfin, un film. Voilà, tu vois, une série d'animation américaine, du style japonais. Composé de 4 épisodes de 24 minutes et qui ont déjà annoncé 8 épisodes du même temps, j'imagine, pour la saison 2 qui devrait arriver que l'année prochaine et je trouve ça long, j'ai peur que ça tue la série en vrai. Hein. C'est vrai, hein? Bah, j'ai une saison 1, 4 Mais ça épisodes. pourrait se faire, ça. C'est pas un problème le fait qu'il y ait que 4 épisodes. J'aurais pu faire plus. Donc, espérons qu'on va se dire que un an de plus leur permettra d'améliorer la série. Ouais, mais j'ai peur que un an, ça fasse que les gens oublient un peu la série. Et que du coup, quand il y a les saisons 2, mais personne Ça, ne va la c'est le regarder. risque, hein, malheureusement. Parce qu'ils auraient dû, franchement. Ils ont pas assez Mais on a eu. misé sur la première saison déjà. Donc, Ouais, du coup. on a eu qu'un long épisode. Moi, là, pendant un an, tu m'en parles pas, je t'en parlerai pas. Hein. Ouais. J'espère que Donc. Netflix se mettra assez en avant pour qu'on ait envie de regarder la deuxième saison. Moi, je pense que je la regarderai parce que j'aime beaucoup. Mais quand tu vois qu'en série d'animation Netflix, t'as BoJack Horseman au mois de septembre. On vous en parlera, enfin je vous en parlerai. Bah du coup, oui, pas dit café. Mange ton écran, évoluera. J'ai beaucoup de choses à vous parler. J'espère qu'il y aura la plus. Enfin, je pourrais pas être tout le temps avec Pichoun parce que c'est vrai que ça dépend des séries quand même. Et Oui. de qu'est-ce qu'on a à parler comme série et tout ça. Mais Mais voilà. on en a pas mal de séries à partager, quoi. Mais sachant qu'on essaiera de vous faire du Mange ton écran avec au moins une série récente, même si on en parle de plusieurs dans un épisode, il y aura au moins une série récente ou un film récent. Parce que c'est important. Donc il n'y aura pas une régularité exemplaire pour Mange ton écran, on vous le dit tout de suite. Hein. Ça dépendra vraiment de ce qui se diffuse, de ce qui sort et tout ça, quoi. Donc il y aura de temps en temps des épisodes comme celui-là où il n'y aura qu'un seul truc. Et de temps en temps, il y aura un peu plus. Donc voilà. C'est à peu près tout, hein, je pense. Bah, pour ma part, oui, j'ai pas plus à dire sur cette série. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît, parce qu'il y en aura plusieurs, donc encore une fois, de temps en temps, on parlera ensemble d'un truc, et c'est tout. De temps en temps, on parlera ensemble, quand je dis ensemble, c'est avec Pichoun ou d'autres, hein, ça dépendra des émissions, on parlera ensemble d'un truc, plus, si un autre veut parler d'une série en particulier, il en parle, mais sachant qu'il n'y a quand même pas dit café pour ça, c'est pour ça que c'est un peu, voilà. Mais, justement, s'il y a plusieurs séries ou plusieurs films qu'on a vus tous, pas tous ensemble, forcément, mais que chacun a vu, mais qui est récent, ça peut être intéressant d'en parler dans Mange ton écran plus que dans Pas dit café pour le coup. Pas dit café, c'est plus pour ce qui est ancien, et Mange ton écran, c'est un peu plus pour ce qui est récent, je pense. Ou nouvelle saison, hein, pas forcément récent dans la création de série, hein, bien entendu. Dans tous les cas, dites-nous ça en commentaire si vous regardez en replay. Si vous écoutez en MP3, ben vous pouvez nous le dire sur Twitter. N'hésitez pas à nous donner aussi votre avis, vous, sur cette série, si vous l'avez regardée, Oui. pour qu'on puisse partager, échanger. C'est aussi le but de notre émission. De notre vie. Oui, donnez votre avis sur Castlevania de Netflix en commentaire. Constructif. Hein. Bon, vous avez le droit de dire juste j'aime pas, mais essayez d'être un peu constructif parce que ça nous intéresse de savoir pourquoi, justement. Et en discuter avec vous. Voilà, ça me semble intéressant. Ensuite, pour ceux qui regardent sur YouTube, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce design de YouTube. Le fait que le chat soit un peu plus, je trouve, plus agréable, hein, comme ça. Le fait que les images défilent en fond. Bon, quand on parle que d'un seul truc, ce sera facile. Par contre, quand on parlera de plusieurs, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le fait qu'il y ait le logo Mange ton écran comme ça. Bon, pas dit café, c'était déjà le cas, mais là, le logo Mange ton écran, moi, ça me plaisait. Donc, faut pas hésiter à donner vos avis, que ce soit là maintenant sur le chat. Ou plus tard dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le site padipovo.fr, parce que si vous l'écoutez en MP3, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de laisser un commentaire sur le moment. Mais vous pouvez aussi nous contacter directement sur Twitter, @padipovo, @polka le papy pour moi, avec un papy avec un Y, et @mamipichoun pour Pichoun, tout simplement. Et mamie Y ou IE? Non, IE. IE. Voilà, papy Y, mais mamie IE. C'était donc Mange ton écran, une émission très courte aujourd'hui, plus longue la prochaine fois, peut-être. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle continuera à vous plaire. Samedi prochain, il y a des chances que ce soit pas dit café, sauf. Ah, quoique, si on voit Spider-Man, peut-être qu'on fera un Mange ton écran sur Spider-Man. Oui, et puis en plus, moi, ma vidéo sur Pitch Lecture ne va pas tarder à arriver, je vous le Pas promets. tarder, on verra. Ça dépend parce qu'il fait chaud en ce moment. Mais on essaiera de faire quelque chose quand même. Si, faut que je le fasse parce que depuis le temps, quand Oui, même. sinon, parce que tu te retiens presque de lire à cause de ça. Oui, parce que je veux pas me mélanger. Donc voilà, donc on essaie de vous sortir beaucoup de contenu. C'est vrai que là, on a eu un peu de retard tout simplement à cause de la chaleur. Hein. C'était vraiment compliqué. Vraiment à cause de la chaleur, hein, parce que quand il fait 30 dans la maison, c'est chaud de filmer ou de faire un live tout simplement de manière optimale. Voilà, donc mine de rien, c'est vrai qu'on était un peu tôt aujourd'hui, d'où le fait qu'il n'y avait que Fesneau. Mais j'espère que vous serez nombreux à écouter en replay. Et n'hésitez pas à partager, c'est important, le partage c'est la vie. Sachez aussi qu'il est possible de nous faire un petit don via Tipeee Stream. Le lien est directement disponible sur paddypowo.fr. Je vous en parle parce que c'est vrai qu'on a quand même besoin d'aide si on veut se permettre, par exemple, pour payer les places de cinéma, pour acheter un jeu, pour les... Enfin, en gros, pour acheter tout ce dont on a envie de vous parler. C'est vrai que ça peut être pratique. Ça ne sera jamais pour des motifs purement personnels, ça sera vraiment pour les émissions, sauf si on est dans la merde financièrement, du coup ça nous aidera à survivre et donc à continuer les émissions en survivant. Mais voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Donc c'est Tipeee Stream, hein, pas Tipeee, ça veut dire que c'est pas tous les mois, c'est juste sur le moment où vous faites un petit don, même 1 €, ça fait toujours plaisir. Ça vous permet par exemple de payer Netflix pour regarder les nouveautés et vous parler des choses comme Castlevania. Bref, voilà. Merci encore. À la prochaine. Bah, samedi prochain. Enfin, c'est vrai que là aujourd'hui on n'est pas samedi, mais sinon ça sera un samedi prochain. Allez, ciao tout le monde et merci. À plus, tout le monde.